Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Arthur. Je suis trop content de vous retrouver. Vous le savez, j'habite un village qui regorge de légendes. Et j'en ai tout un stock à vous raconter. Aujourd'hui, je vais vous parler du poireau des Nèzes. Il y a trois hivers, Louis a fait un bonhomme de Nèzes. Deux boutons pour les yeux, deux branches pour les bras, une carotte pour le nez et Francis était né. Il était parfait. Sauf que le lendemain, la carotte avait disparu. Louis avait beau en remettre une, dès qu'il avait le dos tourné, elle disparaissait. S'il y avait un voleur dans le quartier, il était drôlement doué parce qu'il n'avait pas laissé de traces. Alors, le soir venu, après avoir replacé une carotte sur Francis, Louis est allé se casser. Mais il faisait si froid qu'il s'est vite retrouvé frigo congelé. Il a filé et cercé des vêtements maxisso en mode turbo. Mais quand il est revenu, le nez de Francis s'était volatilisé. Louis ne s'est pas laissé abattre. Il a remis une carotte sur la face de Francis et a foncé dans sa chambre. Il a observé son bonhomme de Nèze jusqu'à bâiller. Il a fermé les yeux juste une seconde. Et quand il les a rouverts, il faisait jour et Francis avait encore perdu son nez. Il était super énervé et s'est précipité dehors pour gronder Francis. « Non, mais franchement, je peux pas passer mes journées à te remettre un nez !» Les bras de son bonhomme de neige se sont agités. Sa bouille s'est froncée de honte et d'un coup, il s'est mis à parler. « Je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de boulotter des carottes. C'est mon PC mignon. »« Mais un bonhomme de neige sans nez, c'est pas pareil !»« Ah, je sais. Quels légumes tu détestes ?» Les poireaux. Alors, tu auras un nez en poireaux. Mais ne t'inquiète pas, je t'amènerai des carottes tous les soirs. Et c'est pour ça que maintenant, tous les bonhommes de Nèze de Louis ont un poireau à la place du nez. Vous connaissez le podcast Chronique de l'intérieur ? Découvrez sans tarder cette fiction décomplexée qui libère la parole autour d'un sujet encore trop souvent tabou, le transit. On y suit Lou, une trentenaire dynamique. Le hic, c'est que Lou est constipée et ça lui gâche un peu la vie, partout, tout le temps. Suivez son quotidien drôle et touchant, entouré de ses amis, puis sa rencontre avec des experts qui nous éclairent sur le sujet. Chronique de l'intérieur, une série d'un genre nouveau, présentée par Épar, disponible sur votre application de podcast préférée et sur épar.fr.